Bonjour monsieur, je voudrais savoir si vous avez une chambre libre pour ce soir, s'il vous plaît, pour deux adultes et un enfant. Voyons, il me reste une chambre avec un grand lit et un lit d'enfant, salle de bain et toilette. Elle est à 55 euros. Le petit déjeuner n'est pas compris. Il est à 6,50 €. Très bien, nous allons la prendre. À quelle heure est-ce que vous pensez arriver? Vers 18 heures. Mais si nous sommes retardés, je vous appellerai de mon portable.